Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent en nouvelle diffusion Histoire vivante. Joséphine Baker, qui est à la fois une ressource cinématographique, c'était à l'époque une des femmes les plus connues du monde, on disait que c'était la femme la plus photographiée du monde, adulée en France et sur une bonne part de la planète, et donc c'était impensable de ne pas s'en servir au cinéma. Cette semaine, il y a de l'orage dans l'air. Joséphine Baker aurait adoré avoir une carrière américaine parce que même si le cinéma français se porte très bien dans les années 1930, le cinéma américain domine le monde. Mais Hollywood n'avait pas de place pour elle. Et smoking de travers. Alors déjà, il faut pas dire du mal de Joséphine Baker et vous me verrez réagir à chaque fois. Non, je pense pas du tout que c'était une mauvaise actrice. La raison pour laquelle elle cesse de tourner après 1940, c'est qu'elle est trop vieille. Quand le jazz est là. Mais c'est aussi qu'elle chantait « J'ai deux amours, mon pays et Paris ». Au début, et puis à la fin, en 1939, elle chante « J'ai deux amours, mon pays, c'est Paris ». Elle s'est mariée à un Français, elle a la nationalité française. Donc plus française que Baker, à l'époque, difficile. Histoire vivante, cette semaine, Joséphine Baker. Aujourd'hui, entretien avec Jean-François Stazac, spécialiste en géographie culturelle à l'Université de Genève. Voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît ? Je m'appelle Jean-François Stazac, je suis géographe, spécialiste de géographie culturelle et professeur au département de géographie de l'Université de Genève. Comment a démarré pour vous l'attrait pour la géographie ? C'était la géographie tout de suite ? C'est très difficile de répondre à ce genre de questions sans mentir ou sans reconstruire l'histoire, parce qu'en fait, on se souvient pas vraiment. Donc c'est des choses que je vais dire maintenant, mais est-ce qu'elles correspondent à quoi que ce soit de réel dans mon histoire personnelle, en fait, j'en sais rien. Ma réponse, ce serait que j'ai toujours eu une curiosité pour l'autre et l'ailleurs, et que la géographie était pour moi le moyen de répondre à cette curiosité. Mais ayant été formé en France, il n'y avait pas vraiment de différence entre l'histoire et la géographie. Hein. Les deux étaient formés d'un couple stable. Et donc, je crois que j'aurais pu être aussi bien historien que géographe. Et à la vérité, je ne crois plus beaucoup à ces différences entre les disciplines. Donc, quand je dois me présenter comme géographe et vendre un peu ma discipline, je suis toujours un peu en peine par rapport à ça, parce que j'imagine que tous les professeurs, tous les chercheurs qui sont impliqués dans les sciences humaines et sociales font un peu tous la même chose, même si c'est avec des cultures un peu différentes. Donc c'est une étiquette que je revendique moins que dans le passé. J'ai eu l'occasion, il y a de nombreuses années de ça, de travailler auprès de l'ethnologue Jacques Meunier, auteur entre autres des Gamins de Bogota, qui avait intitulé une émission de radio avec qu'il diffusait dans la proche banlieue française, « Parlez-moi d'ailleurs ». Cet ailleurs-là, quand je vous entends parler de ça, est-il lié à l'espace ? Est-il lié aux personnes, aux gens, aux peuples, aux tribus, à la population ? Est-ce un cocktail des deux ? C'est indissociable, parce que il n'y a aucune dimension de la société où l'espace n'intervienne pas et n'intervienne pas de façon centrale. Donc on pourrait penser qu'une première altérité, c'est l'altérité de genre. On est un homme ou une femme, labellisée comme telle, et puis on est confronté à cette différence du genre. On croit qu'elle n'a pas beaucoup à voir avec l'espace. Hein. Aller me faire une carte du monde du genre féminin ou du genre masculin, c'est difficile. Mais n'empêche pourtant que quelque chose d'aussi fondamental que la masculinité ou la féminité, c'est aussi construit spatialement, c'est aussi occuper des positions différentes dans l'espace, avoir des droits à être quelque part. Depuis que vous avez commencé ce travail, depuis que vous exercez dans cette discipline, diriez-vous, Jean-François Stazac, qu'il y a eu vraiment des évolutions, il y a eu des changements de perception, et que ces changements de perception, vous les avez peut-être anticipés, accompagnés, que sais-je ? Alors, anticiper serait très prétentieux de ma part, accompagner peut-être. Les disciplines évoluent, bien sûr, dans leur définition et puis dans leur façon de procéder. Et je dirais que, de mon vivant, en quelque sorte, j'ai connu trois éléments de mutation importants. Le premier, c'était le fait que la géographie culturelle, dont je suis un des représentants, s'est peu à peu imposée comme étant un champ légitime au sein de la discipline, ce qui n'était pas gagné il y a de ça une vingtaine d'années. Et puis le deuxième point, c'est que l'approche postcoloniale, a gagné également en légitimité, même dans le monde francophone, où c'était pas évident. Et puis le troisième point que j'évoquais tout à l'heure, c'est la question du genre, et des approches de genre aussi, qui sont devenues centrales au sein de la géographie, alors que c'était un point qui était tout à fait marginal il y a encore quelques années. Un point d'interrogation concernant justement ces Postcolonial Studies, qui précisément viennent d'un continent, les États-Unis, pour ne pas les nommer, d'un pays, en tout cas d'une somme d'États, qui ont par le passé, et notamment et avant la guerre froide, avec l'URSS en face, considérablement combattu les États coloniaux, les dénonçant chacun l'un et l'autre, URSS et États-Unis, avec des arguments différents. Dans quelle mesure des chercheurs européens absorbant ces post-colonial studies restent-ils fidèles à l'Europe dont ils sont issus ou absorbent-ils, je vais le dire d'une manière courte, évidemment vous me corrigerez, je compte sur vous, une pensée étrangère? Alors, d'abord, je ne suis pas du tout sûr qu'on doit être fidèle à l'Europe dont on est issu ou au pays dont on est issu. Il me semble peut-être qu'au contraire, hein, le nationalisme et puis l'européisme ou l'occidentalocentrisme, non, on va reprendre. Enfin, en fait, en tout cas, de se centrer sur l'Occident et sur l'Europe, je ne suis pas sûr que ce soit une garantie d'une bonne approche en sciences sociales. C'est plutôt des choses qu'il faut dépasser. Est-ce qu'une pensée qui est élaborée aux États-Unis, elle est étrangère? Pas forcément. Je peux avoir plus de communion de pensée avec un chercheur ou une chercheuse américaine qu'avec un chercheur français ou suisse-allemand. Et puis peut-être aussi que parfois l'extranéité, le caractère étranger qui vient de l'extérieur de cette pensée peut être justement ce qu'elle a de précieux, parce que c'est souvent en adoptant un point de vue un peu externe, un peu extérieur, qu'on peut comprendre ce qu'on a sous le nez et que si on est myope, on a du mal à voir ou du mal à comprendre. Donc avec le risque également des projections et des interprétations. Quand on pense un système d'ailleurs, bien on sûr. Peut aussi totalement l'interpréter. Alors, vous avez raison, c'est-à-dire qu'un des enjeux des postcoloniales se disent, c'est la question de la race, et le mot n'a pas du tout le même sens dans la société américaine, dans la société européenne, et donc si on importe ce concept en tant que tel et les théories qui vont avec sans les décontextualiser et les recontextualiser, on comprend pas ce qui se passe. Les nuancer en fait. C'est nuancé, mais c'est aussi prendre en compte le fait que tous ces phénomènes n'ont pas d'existence naturelle, sont des constructions sociales, et donc elles se font très différemment selon les contextes historiques et géographiques. Et donc, de ce fait, hein, le mot de race, les connotations ou les significations de ce mot sont pas du tout les mêmes en Europe et puis aux États-Unis. Et puis, vous opposiez tout à l'heure les États-Unis et l'URSS aux sociétés coloniales qu'elles condamnaient, mais l'URSS et les États-Unis sont ou étaient elles-mêmes des sociétés coloniales. La Russie était et encore une grande puissance impériale, elle a ses colonies aujourd'hui. Et quant aux États-Unis, même si on ne pense pas aux Philippines ou à Hawaï, qui ont été ou sont peut-être encore des colonies, c'était une société profondément coloniale parce que... De par son existence même. Son existence même. Et puis l'héritage de l'esclavage qui marque profondément toute la société et qui en fait une société... alors peut-être postcoloniale, je ne sais pas à quel point, mais en tout cas elle est très marquée par la colonisation, peut-être plus même que la société française, suisse ou britannique. We'll be right back. retour à Histoire Vivante juste après quelques nouvelles de la route. Infotrafic RTS. Soyez vigilants si vous circulez sur l'autoroute A9 Lausanne-Martigny car des objets sont signalés entre Chèbres et Vevey en direction de Martigny. Histoire Vivante. Cette semaine, Joséphine Baker. Suite de l'entretien avec Jean-François Stazac, spécialiste en géographie culturelle à l'Université de Genève. Alors, nous avons parlé avec vous, Jean-François Stazac, de plusieurs thèmes, mais à partir d'un article que vous avez rédigé et dont je livre le titre, L'écran de l'exotisme, la place de Joséphine Baker dans le cinéma français. Alors, ça a l'air comme ça, assez futile. Se dire comment un géographe peut-il s'intéresser à la place de Joséphine Baker dans le cinéma français. Évidemment, à partir du moment où on commence à ouvrir cette problématique et qu'on est qui plus est géographe et qu'on s'intéresse au thème que vous avez évoqué dans l'introduction, on comprend qu'il ne sera pas question de bluette, quoique, qu'on ne sera pas dans le superficiel, quoique, on s'y intéressera aussi. Mais avant qu'on détaille ça, j'ai été surpris de voir à quel point, puisque vous faites des notes critiques des films de Joséphine Baker, 4 au total, c'est que vous êtes très attentif aux mouvements de caméra, aux zooms, aux plans, à la découpe des films. Vous êtes quoi, cinéphile, très amateur d'eux et très attentif à la manière dont les films sont montés et montrés? Alors cinéphile, je sais pas, parce que j'ai l'idée que les cinéphiles, ils aiment surtout les bons films, les films d'art et d'essai, les films canonisés par l'histoire de l'art et l'histoire du cinéma, alors que moi j'aime tout le cinéma, y compris les blockbusters et les mauvais films. Les nanars, enfin ouais, tout, voilà. C'est ça. Ouais. Donc c'est vrai que je suis fasciné par le cinéma, et donc j'ai appris un petit peu sur le tas, hein, j'ai jamais eu de formation en la matière, comment procéder à l'analyse d'un film. Et peut-être, vu mon origine, ma discipline, la géographie, je suis spécialement attentif à ce qui a trait à l'espace dans un film. Et donc ça veut dire bien sûr les décors, mais ce sont aussi les mouvements de caméra, la place des différents acteurs, la façon dont ils se déplacent, leur origine. Ça m'a conduit peut-être à jeter un regard orienté, on va dire, sur ce cinéma. C'est pas que je vois des choses que mes collègues en film studies ou en études visuelles ne voient pas. Ils ont une formation qui est bien meilleure que la mienne, mais les questions que je pose sont pas les mêmes. Et donc, avec mes méthodes, même si elles sont peut-être pas très élaborées, je vais voir des choses dans ces films que eux éventuellement ne voient pas parce que ils ne se posent pas les mêmes questions. Vous faites l'hypothèse, je vous cite, que les performances de Joséphine Baker mobilisent et véhiculent un imaginaire géographique indissociable, toujours selon vous, des catégories coloniales. Alors, sachant qu'on s'adresse aux gens qui n'entendent pas parler de géographie tous les jours, et encore moins de géographie culturelle, est-ce que vous pourriez peut-être faire le résumé de votre proposition? Alors, mon idée, c'est que Joséphine Baker n'a jamais été elle-même sur scène. Elle a dû toujours jouer des rôles qui lui étaient attribués par un chorégraphe, par un metteur en scène, ou par un scénariste, ou par elle-même. Et que ces rôles étaient des rôles dont on pensait qu'ils allaient satisfaire le public. Et que ça allait donc les faire rêver, les faire rire, les exciter. Et ceci en fonction de leur imaginaire et de leur représentation. Elle pouvait pas faire n'importe quoi. Et donc, pour donner satisfaction à son public, elle a dû incarner un certain nombre de stéréotypes qui étaient effectivement ceux que le public attendait. Alors, ces stéréotypes aux États-Unis, quand elle a commencé sa carrière à New York et qu'elle avait entre 16 et 19 ans, c'était les stéréotypes qui sont liés à l'histoire de l'esclavage, hein, donc du noir issu des plantations, qui ressemble un peu à la figure du nègre banania dans l'imaginaire européen, c'est-à-dire très enfantin, très souriant. Et puis quand elle est arrivée en Europe avec les ballets nègres en 1925, elle avait 19 ans, là évidemment ce modèle qui allait avec le charleston, avec le jazz, n'avait pas beaucoup de sens pour les Européens. Et là elle a joué un autre rôle qui est le rôle de la sauvage. Et donc c'est le fameux moment où elle s'est mise à danser quasi nue, en tout cas avec une ceinture de banane, descendant d'un arbre sur la scène du Théâtre des Champs-Élysées, où ça a fait un tel événement. Et là aussi, évidemment, elle jouait un rôle, parce que non seulement elle ne venait pas d'Afrique, mais quand bien même, jamais personne en Afrique ne s'est accoutré de la sorte. Interrompons-nous là un instant, Jean-François Stazac, pour essayer de réfléchir à ce que c'est que le cinéma de l'époque. Si on prend un objet filmique singulier comme la figure de Charlot. Aucun vagabond ne marche dans la rue avec des chaussures qui semblent faire du, je sais pas, du 65 ou du 66 dans la longueur, avec évidemment une canne flexible et un chapeau melon. Je veux dire par là que le cinéma de cette époque-là, et sans doute pas uniquement d'ailleurs le cinéma, il est profondément empli d'archétypes. Absolument, vous avez raison. Et l'exemple de Charlot est intéressant parce que, comme pour Joséphine Baker, il y a une certaine confusion entre les rôles, le personnage qu'il joue, et puis une confusion entre Charlot et Charlie Chaplin, en quelque sorte, on a du mal à faire la distinction. Et de la même façon, il y a une confusion entre Joséphine Baker et les rôles qu'elle jouait. Et on avait tendance à penser que Joséphine Baker était dans la vie, à la ville, comme elle était sur scène. Et ça, c'est quelque chose qui l'énervait beaucoup. Et elle disait, je dois être d'autant plus sophistiquée et civilisée quand je me promène dans les rues de Paris que je suis sauvage et dénudée sur les scènes parisiennes. Et donc, je pense que la question de l'archétype et du rôle qu'on joue, elle se pose en des termes très particuliers pour les stars qui jouaient tellement sur leur personnalité. Alors c'est le cas de beaucoup de stars de l'époque, hein. Greta Garbo, Marlène Dietrich étaient aussi astreintes, hein, à jouer un rôle, à jouer un personnage. Rudolph Valentino. Et Rudolph Valentino, l'exemple est très juste parce que, comme Joséphine Baker, il devait jouer à la fois sur l'érotisme et sur l'exotisme. Il devait être un late-in lover, et puis quelle que soit sa sexualité, quel que soit l'endroit d'où il venait, il devait jouer ce rôle-là. Et quand sa vie personnelle n'était pas en accord avec ce rôle, ça coinçait. Alors poursuivons. Joséphine Baker donc tourne 4 films. Oui. Elle fait des petites apparitions dans d'autres choses, mais disons c'est essentiellement 4 films. 4 chefs-d'œuvre. Non. À la vérité, alors porter des jugements de valeur, normalement un historien ou un géographe ne devrait pas faire ça. Gardez-vous-en. Voilà. Oui, mais là vous allez faire le cinéphile amateur. Oui, voilà. Ce sont des films que j'adore parce que on voit Joséphine Baker et donc ce sont comme des capsules temporelles et parce que je trouve que ses performances d'actrice ou de chanteur ou de danseuse, parce que dans quasiment tous ses films elle chante et elle danse, sont extraordinaires. Mais ce sont pas des grands films. C'est pas que les réalisateurs étaient des mauvais réalisateurs, mais c'est en fait parce que je crois qu'ils étaient un peu embarrassés par Joséphine Baker, qui était à la fois une ressource cinématographique. C'était à l'époque une des femmes les plus connues du monde. On disait que c'était la femme la plus photographiée du monde, adulée en France et sur une bonne part de la planète. Et donc c'était impensable. En plus, c'était une icône, elle est très visuelle. C'était impensable de ne pas s'en servir au cinéma. Mais en même temps, trouver un rôle pour Joséphine Baker, lui confier une performance, ça n'allait pas de soi, parce que elle avait on peut pas mettre une Joséphine Baker toute nue avec des bananes autour de la taille et écrire un scénario autour de ça, c'est très compliqué. Elle est trop précocement érotique. C'est pas seulement l'érotisme, c'est la question de la race aussi, c'est-à-dire que dans la société française de l'époque et dans les récits qu'on peut mobiliser pour montrer au public, il y a très peu de personnages de femmes noires qui peuvent trouver leur place. Et c'était jusqu'au dernier film de Joséphine Baker, en tout cas, Fausse Alerte, qui est tourné en 1939, elle ne pouvait jouer que des rôles de femmes noires et pour lesquelles la couleur de sa peau était un des registres essentiels de l'intrigue. Mais tentons, et ça, c'est un peu compliqué. Tentons une uchronie. Supposons par exemple que Christian Vadim, dans les années 60, début des années 60, je crois même 1960, j'ai plus la date exacte en tête, choisit Joséphine Baker, en imaginant que Joséphine Baker est alors 17 ans, pour lui faire tourner et Dieu créa la femme. Ça vous paraît implausible ? Non, parce que Dieu créa une femme blanche. Et je pense que ce serait été très difficile à l'époque d'imaginer une Ève qui soit de couleur. Les mannequins à l'époque étaient toutes blanches. Il n'y avait pas de stars blanches. Il n'y avait pas de grandes chanteuses érotisées qui soient blanches. Il y avait un registre celui du jazz, mais qui est très différent. Et donc, je crois que dans les années 60, ça aurait été impossible. Je ne suis même pas sûr que ce soit possible aujourd'hui. Ah, vous allez jusque-là ? Vous ne pensez pas quand même qu'il y a eu une... Alors, il y a des changements et ils vont dans le bon sens. Mais par exemple, si vous regardez attentivement le cinéma et les séries télévisées, c'est vraiment que depuis très peu de temps qu'on confie à des acteurs racialisés, des acteurs qu'on dira noirs, des rôles dont la race, l'assignation raciale, soit pas un élément essentiel. Un des tout premiers, pour moi, c'est ce film où Morgan Freeman joue le rôle du président des États-Unis. C'est un film de catastrophe où un astéroïde s'écrase sur la Terre. Et visiblement, dans le film, le fait que Morgan Freeman soit noir ne pose de questions ou de problèmes à personne. C'est juste le président des États-Unis et il s'avère être noir. C'était quelques années avant l'élection d'Obama. Et là, c'est un signe, à mon sens, un premier signe que Morgan Freeman pouvait faire un très bon président des États-Unis, en tout cas au cinéma, et que la question de la couleur de la peau n'intervenait pas. Dans le domaine de l'américanisation des esprits ou des représentations, on peut quand même aussi s'interroger sur le fait que désormais, concernant la République française, soit nommée la femme ou la compagne du président, la First Lady, alors que ça n'a jamais existé du tout dans la République française ni dans l'Hexagone. Je vous l'accorde, mais si vous parlez de l'américanisation de la France, on peut aussi parler de la francisation de l'Amérique, parce que l'Europe et la France en particulier sont extrêmement influentes aux États-Unis. Faut pas mutuellement, imaginer ça, vous voulez dire. Ouais. Ouais. Faut pas imaginer que ça circule que dans un sens. Et bien sûr, l'Amérique fascine l'Europe, mais l'Europe fascine aussi l'Amérique. La Revue Nègre, elle est donc jouée en 1925. Oui. Elle est issue également d'un spectacle qui s'est donné aux États-Unis mais qui se voit métamorphosé, on aura déjà eu l'occasion de l'évoquer dans les émissions précédentes. Je voudrais essayer qu'on arrive à trouver la jonction, parce que finalement, la première fiction que tourne Joséphine Baker, c'est seulement 2 ans après La Revue Nègre. Donc on voit à quel point son succès, le succès qu'elle remporte dans La Revue Nègre, la propulse très rapidement au devant de la scène. Quel est donc ce premier film, muet d'ailleurs? Alors le premier film s'appelle La Sirène des Tropiques. Ce film, en fait, donc un film bien sûr en noir et blanc, bien sûr muet, nous raconte l'histoire d'une jeune femme qui vit dans une improbable colonie qui s'appelle Pueblo, et qui est une île quelque part dans les Caraïbes, on ne sait pas trop. Hein, on sent que le metteur en scène a évité de renvoyer à une colonie bien réelle. Et le film raconte l'amour impossible entre cette jeune femme et puis un héros, qui est bien sûr un jeune homme blanc propre sur lui, que cette Joséphine Baker donc va suivre jusqu'en Europe. Et comme d'habitude, le film raconte plus ou moins l'histoire de Joséphine Baker. C'est-à-dire, c'est l'histoire d'une jeune femme noire qui sort un peu de la misère, qui arrive en Europe et qui connaît plus ou moins la gloire et la richesse, mais qui, malgré cela, ne peut pas épouser le prince charmant à la fin, parce que si ces films jouent tous sur l'érotisme et l'érotisation de Baker, il est impensable qu'elle puisse à la fin vivre une histoire d'amour épanouie, parce que ça voudrait dire que le tabou de la sexualité interraciale ou le tabou du métissage serait franchi. Mais est-ce que, également peut-être, la promesse ou l'annonce d'un mariage désérotiserait la figure de Joséphine Baker? Il faut d'une certaine manière qu'elle ne soit à personne pour qu'elle soit à tout le monde. Alors c'est juste, mais si vous comparez avec le sort qui est réservé à d'autres grandes actrices de l'époque, hein, qui peuvent aussi, Mata Hari jouée par Greta Garbo et les fusillés à la fin bien sûr, hein, mais il y a aussi des histoires d'amour qui sont possibles, et on les voit embrasser leur partenaire, alors que jamais vous ne verrez Joséphine Baker embrasser son partenaire à l'écran. Hein, comment ça s'interprète ça? Parce qu'il y a un tabou sur les rapports sexuels interraciaux. Et ce tabou est encore plus fort aux États-Unis qu'en France. C'est-à-dire que, bien sûr, on peut dénoncer la dimension stéréotypée ou raciste ou sexiste des films dans lesquels Joséphine Baker a tourné, mais au moins, elle en a tourné. Alors qu'aux États-Unis, c'était impensable de tourner ce genre de film. Il n'y avait pas d'équivalent, il n'y avait pas de star noire dans le cinéma américain. Et quand Baker, en 1936, retourne aux États-Unis pour essayer d'y faire une tournée de cabaret, ça ne marche pas du tout. Parce que pour les Américains, voir une femme noire danser sur scène, entourée d'hommes blancs qui semblent l'aduler et la désirer, c'est manquerait un scandale. Il ne manquerait plus que ça. Oui. Jean-François Stazac, on reviendra sur les films français demain dans notre prochaine émission avec vous. Mais restons un temps également sur Hollywood. En vous lisant, j'ai vu que au fond Hollywood aurait voulu de Joséphine Baker, mais c'est elle qui a plutôt dédaigné l'endroit. C'est ce qu'elle dit, mais j'en crois c'est pas un mot. En fait, je pense ça que paraît curieux. Joséphine Baker aurait adoré avoir une carrière américaine, parce que même si le cinéma français se porte très bien dans les années 1930, le cinéma américain domine le monde. Et donc pour elle, bien sûr, hein, ça aurait été à la fois un couronnement et une vengeance que de pouvoir tourner dans un film américain. Et il y a eu un ou deux projets, notamment avec Paul Robeson, qui est un acteur et un chanteur noir américain, mais Hollywood n'avait pas de place pour elle. Bien sûr, il y avait des petits rôles pour des femmes noires, type Autant emporte le vent, hein, le rôle de la nounou par exemple, mais Joséphine Baker est à la fois trop noire et trop star pour pouvoir jouer dans un film américain. Et donc, Trop tôt, au fond, dans l'histoire du cinéma américain. C'est beaucoup trop tôt, hein. Parce que si vous cherchez qui va être la prochaine femme noire qui va jouer un rôle important, vous allez me poser une colle, là. C'est Albéry, je crois, qui est la première femme noire à avoir... Non, je crois que la nounou dans Autant n'emporte le vent a eu un Oscar. Mais un Oscar au titre du second rôle, et puis pour un rôle tellement stéréotypé, d'un film issu de la culture sudiste, et qui reproduit beaucoup de stéréotypes racistes sans les contester. Donc je pense qu'il faut attendre les années 80 ou les années 90 pour que ce genre de rôle existe dans le cinéma américain. Il y a également, je ne sais pas dans quelle mesure il joue également sa part, c'est que le cinéma américain, notamment à cause du code Eyes, redouble de vigilance, pour le dire avec des mots comptés, sur tout ce qui peut avoir à faire avec l'érotisme. Des baisers aux étreintes, d'une manière générale, le cinéma hollywoodien a appris à mettre les patins, à marcher sur des œufs, parce qu'il est scruté à la loupe, et les ligues de toutes sortes, puritaines, redoublent de vigilance et sont prêts à condamner. Alors vous avez tout à fait raison, hein, le cinéma américain jusqu'aux années, à la fin des années 1920, est beaucoup plus libre que dans les années 1930, quand le code Hays se met en place, et le cinéma français des années 1930 est beaucoup plus libre que le cinéma américain de l'époque. Dans le film La sirène des tropiques, on assiste par exemple à une scène où la sirène en question, Joséphine Baker, monte sur un paquebot, elle tombe dans un tas de charbon, elle est toute noire, comme c'est drôle, et donc après elle va aller prendre un bain pour se débarrasser de cette poussière, et on assiste à la scène du bain avec nudité faciale. Si on voit Joséphine Baker les seins nus face à la caméra, et ça évidemment aux États-Unis ce serait totalement impensable. À la vérité, en France c'est aussi impensable pour une actrice blanche, c'est-à-dire vous trouverez aucun film distribué largement pour le grand public où vous verrez une femme blanche les seins nus face à une caméra. Ça, c'est réservé vraiment au cinéma pornographique qui est diffusé dans les maisons closes. Mais une femme noire les seins nus au cinéma, c'est envisageable, parce que d'une part, il y a l'idée que les femmes noires ont une nudité naturelle, en quelque sorte, innocente, comme un enfant, en quelque sorte. Et puis, il y a aussi l'idée que la couleur de la peau est comme une sorte de vêtement, hein, comme le bronze, en quelque sorte, qui habille les statues. Et donc, cette scène où assez hallucinante, où on voit Joséphine Baker prendre un bain, qui est une scène qui vient du burlesque, en fait. N'est pas coupée au montage. Elle est présentée comme un moment innocent de jeu, où on la voit dans l'eau, jouer avec le savon, jouer avec la mousse. Mais il y a un homme blanc, peut-être le capitaine du bateau, qui la reluque par le trou de la serrure. Et nous en même temps. Jean-François Stazac, on va se retrouver demain pour poursuivre cet entretien. Il sera de nouveau question du travail de Joséphine Baker dans le cinéma français, mais également d'un domaine relativement important sur lequel vous travaillez beaucoup, l'exotisme. Donc d'ores et déjà, on vous dit à demain. À demain. Where I wandered with you lives in my imagination, where the songs are passionate and the smile has flash in it and the kiss has art in it, for you put your art in it. And so I dream of old Brazil. Entertaining June, we stood beneath an amber moon and softly murmured, someday soon we kissed and clung together. Histoire vivante.